autrement. Osons imaginer quelque manière d'être, faire du bien commun un état immanent, que les gains des savants et des entreprenants construisent l'embellie et l'envie de renaître. Au sens où les vivants ont célébré l'amour quand la peur est partie grâce aux urbaines fées, tuant les sorts mauvais et leurs méchants effets, pour ensemble créer la venue des beaux jours. Oui, là est l'horizon qui attend que l'on vienne, non pas le conquérir, mais l'habiter enfin, et que chacun étant chez sa soif et sa faim, à jamais partagé dans la vie quotidienne. À l'issue bienvenue de ces temps carcéraux, timidement je sors, la pensée abrutie de n'avoir fonctionné qu'au rythme ralenti de ces moments privés des échanges sociaux. En ce premier matin, encore ensommeillés, ils se croisent quelques gens, sans trop se regarder, mais heureux de se voir ainsi sauvegardés dans la pure clarté d'un ciel ensoleillé.